8h10, très précisément. Nous sommes à l'heure. Si vous avez suivi les réseaux sociaux de la page 94 de Service Compris, nous accueillons ce matin Arthur Noël, fondateur de Nancyte. Bonjour Arthur. Salut Aymeric. Comment vas-tu? Eh bien super bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu si tôt le matin pour répondre à quelques questions. On va parler de Nancyte, on va parler de toi exactement, mais avant de démarrer, effectivement, Arthur, tu es étudiant, c'est important de le rappeler, tu étudies quoi et où? Eh bien écoute, je suis étudiant depuis pas mal d'années à l'ENSGSI, c'est à Nancy, côté Kinépolis, et c'est de l'ingénierie généraliste. En gros, c'est de l'innovation et du management. Justement, innovation, ingénierie, c'est aussi le cœur de ce que tu fais, puisque tu as fondé un site internet qui s'appelle Nancyte. Nancyte, qu'est-ce que c'est? L'idée, elle est assez simple. Je suis revenu d'un petit voyage et je passe par Nancy et je cherchais tout simplement des trucs à faire, des sorties, des cafés, des loisirs. Et je me suis retrouvé sur 5-6 plateformes différentes à avoir des informations différentes aussi. L'idée, c'était de regrouper tout au même endroit pour que le dimanche matin, tu puisses trouver ta bonne boulangerie. Très important, la boulangerie de dimanche matin. Petit message personnel aux boulangeries qui n'ouvrent pas les dimanches matin, sachez que vous me brisez le cœur. Voilà, je préfère vous le dire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un seul endroit où on retrouve tout, finalement, tout ce qui peut faire vivre la ville de Nancy. Comment ça fonctionne, Nancy? C'est une application, c'est un site internet, c'est à mi-chemin entre les deux? C'est à mi-chemin entre les deux, mais pour les moins technophiles qui nous écoutent, c'est un simple site et il s'installe via un raccourci. Voilà, donc il faut juste penser. Vous cliquez sur le lien et ensuite vous vous faites ajouter à l'écran d'accueil et ça fait un raccourci sur votre téléphone portable qui du coup fonctionne plus ou moins comme une application. À ceci près que ça vous emmène sur un site internet, c'est ça? Exactement, super. Bien résumé. Ouais, c'est que j'ai bien compris comment ça fonctionne. Juste une petite question, comment on l'écrit Nancyte? Est-ce que c'est avec un Y ou un I? C'est comme Nancy, pour faire référence à la ville, avec un T et un E. D'accord. Merci. Voilà, Camille est en train de ouais, en train de regarder. En train de chercher. Formidable. Nancy, donc site de référencement sur lequel on peut trouver plein de commerces. On a quoi comme commerce actuellement? T'as combien de commerces déjà présents sur l'application? Aujourd'hui, c'est la première version et on a déjà 2500 commerces référencés, en sachant qu'il y en a 200 qui sont vraiment avec beaucoup d'informations, des descriptions très pertinentes. Le but, c'est d'augmenter de plus en plus. Grâce à vous aussi, vous pouvez faire des suggestions. Et d'accord. Les commentaires? Pas encore les commentaires. Modération. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire si on est commerçant ou autre et qu'on a envie d'apparaître sur Nancyte? Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs chemins, mais le plus simple, c'est de se connecter. Et directement après, vous pouvez renseigner les informations de votre commerce, tout simplement, avec des photos, les horaires, tout ce qui peut nous intéresser, nancéens et touristes. Et c'est fini au bout de 24 heures, c'est vérifié. Okay. Donc 24 heures de vérification et ensuite on apparaît sur le site. Est-ce que c'est payant pour les commerces? C'était un choix longuement réfléchi et non. C'est gratuit aujourd'hui de mettre toutes les informations qu'on veut. Ce sera payant à terme, mais juste limité. Vous pouvez toujours mettre des informations, mais à partir d'un moment, ce sera bloquant à partir de 16€ par mois. 16€ par mois donc pour être référencé pardon, sur Nancyte. Il y a une option qui est super sur l'application, c'est qu'on a des commerces. Le commerce du jour qui sont mis en avant ou les découvertes du jour, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, le but c'était pas juste d'avoir un annuaire simple parce qu'on va pas rechercher, on sait pas toujours ce qu'on veut. Le but c'est d'avoir une alternative, on va dire, à Instagram, mais en mode commerce. Et tous les jours, il y a 6 commerces et 6 découvertes du jour qui sont proposées. Et le but aussi c'est d'être en collaboration avec des influenceurs ou créateurs de contenu locaux. Et comment ces sites, les commerces du jour, ils sont mis? C'est toi qui les dessines, c'est toi qui les désignes chaque jour et tu t'amuses à chercher dans les 2500 qui tu as mis en avant et qui t'avais mis en avant? Ou alors c'est fait totalement aléatoirement avec un algorithme dont tu as le secret? J'aurais été fier de dire que je me lève à 6h du matin pour choisir, mais c'est pas vrai. Non, c'est bien un algorithme en fonction de quelques critères, s'il y a une photo, une description et des horaires. Le minimum en fait pour avoir des informations pertinentes. Ok, donc plus on a d'informations, plus on va être mieux référencé, en tout cas sur le site, dans ce site qui est un espace de référencement pour l'intégralité des commerces. Pour les utilisateurs de ce site, est-ce que c'est payant également? Parce qu'on sait qu'on peut mettre autant d'infos qu'on veut, en tout cas jusqu'à une certaine limite quand on est commerçant, mais quand on est utilisateur, comment ça fonctionne pour nous? Là, c'était le grand jeu, le changement, c'est que c'est 100% gratuit, mais il n'y a pas de pub non plus. Donc vous êtes tranquille et on collecte pas et on vend pas les données. Ça c'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur. On respecte les RGPD. Absolument, c'est important de souligner ça. Tu disais qu'on pouvait faire des suggestions. Comment on fait des suggestions? On t'écrit sur Instagram et on te noie de DM sur Instagram, ou alors tu as un espace de suggestions sur le site internet? Bah, vous pouvez me noyer sous les DM d'Insta, ça me fera plaisir. Mais le plus simple, c'est si vous allez sur un resto, un artisan, et bah, sur le site directement, il y a un petit bouton suggérer une modification. Et okay. C'est aussi simple. Et pas à partir de là, très bien. Il y a vraiment de tout. Hein. Là, je suis sur le site en termes d'utilisation, c'est très simple à s'en saisir. Et ça, on est à la fois de l'esthétisme automobile, oui, à la rénovation, à la plomberie, au resto, aux événements, enfin, plus aux lieux culturels aussi. Il y a de tout. C'est la première fois que je vois une expérience client en direct à la radio. Ça fait plaisir que ça. C'est assez unique. Il y a vraiment de tout. C'est chouette. L'idée, du coup, comme on peut le constater visiblement, c'est de pouvoir ratisser très large dans le champ des possibles, etc. Tu parlais de Camille des événements des lieux culturels. Est-ce que à terme il y a volonté d'intégrer d'autres options, d'autres types de structures, ou pourquoi pas des événements? Est-ce que c'est le but de cette application? Et bah justement, je mets à l'honneur mon école parce que pendant 72 heures, il y a une cinquantaine d'étudiants qui ont travaillé sur ce sujet, les événements de Nancy, pour pourquoi pas créer une extension qui leur conviendrait aux étudiants, aux plus étudiants justement, sur qu'est-ce qui se passe à Nancy, de la brocante à la soirée techno. Encore une fois, très large. Et on peut même faire les deux si on est motivé. Oui. Dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Ça, je vous laisse débrouiller. Pas mal en termes de temporalité, c'est cool. Soirée techno into brocante. En vrai, tu prends une table à 7h, c'est pas mal. Bah, c'est l'after. Hein. Exactement. After brocante. Ouais. T'es accompagné aussi aujourd'hui par pas mal de personnes, notamment t'as intégré Grand Nancy Innovation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des structures qui t'accompagnent et dans comment elles t'accompagnent dans ce projet? Bien sûr, la première, ça part de l'idée que j'avais de tout rassembler. Et là, j'ai rejoint le PEEL, donc ça s'écrit P-E-E-L, pour ceux qui sont intéressés. C'est pour les étudiants qui veulent mener à bien et créer une entreprise ou qui ont un projet. Et au bout d'un an, un an et demi d'accompagnement avec eux, j'ai rejoint Grand Nancy Innovation. Là, c'est un incubateur. Et le but, c'est quand on a une idée d'entreprise ou quelque chose de bien solide déjà, on peut passer au modèle startup pour grandir et pérenniser le tout. Pour rappel, le PEEL, ça se situe toujours à Artem. Exactement. Tout à fait, ouais. Juste à côté, vraiment, on est à 20 mètres de l'arrêt de tram, de l'arrêt de trolley, pardon, sur le campus Artem. Donc, Nancyte, je rappelle, nancyte.fr, votre site qui référence tout. Et vous pouvez aussi suggérer, soit en noyant Arthur sur Instagram, puisque tu peux rappeler le nom du compte Instagram, c'est Nancyte. Nancyte.fr sur Instagram également, où vous pouvez retrouver si vous avez un établissement, que vous êtes un commerce, que vous êtes un resto, que vous êtes un bar, vous pouvez vous référencer sur Nancyte. On rappelle, hein, il y a tout. Camille nous a fait un petit tour. On a tout et on a vraiment beaucoup de choses. Et on a même des suggestions aussi dans la barre de recherche qui apparaissent. Si on a envie de chercher, par exemple, je vois qu'on peut essayer de trouver les parkings. Est-ce qu'on a déjà les parkings qui sont présents? On en a quelques-uns. Ça, c'est pas le plus simple à référencer. C'est pas les le plus pharmacies simple. De garde, ça sauve des vies. Hein. Bah oui. Ça, non, c'est clair. Quand tu galères à trouver une pharmacie de garde qui est ouverte à telle heure, c'est génial. Donc voilà, vous avez toutes ces infos-là sur nancyte.fr. Est-ce que tu avais un dernier petit mot de la fin? Et bah ouais, carrément. Le but aussi, c'est d'offrir un vrai outil à Nancy, pas que vous traîniez que sur la plateforme toute votre vie. Ça met aussi en avant les petits commerçants qui n'ont pas forcément de budget, parce que comme je disais, c'est gratuit pour avoir les informations. Vous pouvez avoir votre petit site vitrine simplifié. Le but, c'est qu'on se mette tous en avant, je pense. Très bien, merci. Et ça, tu le fais très bien avec Nancyte. Donc, je rappelle, le site application disponible gratuitement pour les utilisateurs, mais aussi pour les commerçants et les établissements, nancyte.fr. C'est une création de Arthur Noël, qu'on remercie d'être venu ce matin dans la matinale.